La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. After Job avec Francky l'après-midi. Yo soy de la yeca, dile a tu novio que no se meta. Metalo con los tigueres a tu alta. Tengo todo y tengo la vaca. Hermano, las mujeres guapas, si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama. Y con el DJ. Súbame, hermano, las mujeres guapas, si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama. Y con el DJ. La DJ es una, no la llenes de tristeza ni amargura. Disfrútala sin censura, pero sin perder la compostura. Dale, sacude esa cadera que espera. Enséñame un chico, espera, que yo quiero comerte entera. En tu cuerpo hablando al bandera. De París, que está encendido. Familia, ça fait du bien de vous retrouver, 16h34 minutes et 20 secondes exactement, avec du son latina, Alex Anfilio, El Chacal, Las Mujeres, La Grapa sur Arc-en-Ciel. After Job avec Francky l'après-midi. Et profitez, aujourd'hui il fait beau, il va faire chaud encore toute la semaine, hein. Les températures sont plutôt pas mal, hein. Demain on va frôler les 28-29 degrés et au lever du jour 16 degrés. Et ça c'est la bonne nouvelle, encore une très très bonne nouvelle. Mercredi il va faire encore très beau et la journée la plus chaude de la semaine ce sera jeudi. Jeudi on va dépasser les 32-33 degrés, donc profitez de ces bons moments du soleil. Et ouais, sortez dans les parcs avec les distanciations bien sûr, les masques, hein, s'il y a des gens autour de vous à moins d'un mètre, bien sûr, ça c'est super important. Lavez-vous aussi régulièrement les mains. C'est les gestes barrières qu'il faut adopter tous les jours, tous les jours. Et devenez aussi adhérent de la radio. Tiens, vous m'appelez 02 38 43 48 00 si vous voulez rejoindre notre grande, grande et belle famille. Écoutez, bah oui! Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Pas compliqué, le numéro du standard. 02 38 43 48 00. Devenez adhérent. Allez, contactez-moi en direct cet après-midi jusqu'à 18h30 avec des invités. Je vous en parle juste après. Jimmy Cassel. J'ai envie de te voir réveiller. Oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. C'est le soleil brûlant de l'océan Indien. On dirait que c'était un été indien. Tu as surgi comme une fée. L'air enjoué comme ma princesse. Te voir danser, mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. Venu sur une plage étoilée, je t'observais danser, l'air détaché, mes yeux brillaient sur ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. Au petit matin, tu t'es enfui, sans faire de bruit, un simple mot me laissant incompris. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. C'était un été indien, tu as surgi comme une fée. 16h38 sur la Rancel, ça date déjà, ça, 2013, il y a 7 ans, ah ouais, ça passe, hein, Jimmy Cassel avec Kanelele. On a dansé là-dessus, on a fait la fête, et puis des invités aujourd'hui, on va parler cinéma parce qu'ils ouvrent aujourd'hui justement. On aura Sébastien qui est directeur d'exploitation du cinéma avec nos téléphones. On aura aussi Sandra au téléphone avec nous qui transporte des chiens, des chats blessés à l'ambulance. Et ouais, elle a décidé ça pendant le confinement de faire ça. On en parlera avec elle tout à l'heure vers 18h, et puis 17h30, le directeur d'exploitation des cinéma à Orléans, il sera notre invité en direct à la radio. Voici Ozuna. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Boca no pierde sabor, la cara me lo nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la cara me lo nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Esa boquita tan dulce, sabor la caramelo. Ella es un ángel, pero si la tienes caliente, fuego siempre en alta, no necesita vuelo. A nadie le cuenta

Nadia Conciel, le meilleur des souvenirs en 1989, ce duo italien qui avait cartonné en France, qui était numéro 1 de 3 des charts dans les clubs en sous la boule à facettes, et puis numéro 1 en Angleterre quand même, Black Box avec Run All Time. After Job avec Francky l'après-midi. Et ouais, Francky l'après-midi, puis nos invités qui seront là tout à l'heure en direct au téléphone avec nous. Pour l'instant, on a des invités téléphone. Sébastien, qui est directeur d'exploitation de cinéma, sera avec nous au téléphone pour nous parler de la réouverture des cinémas aujourd'hui. Il y aura aussi Sandra qui transporte des chiens, des chats, malades, blessés. Elle est devenue ambulancière, on va dire, de chiens et d'animaux. Voilà, on en parlera avec elle tout à l'heure. Voici Alissa Keys, No One, et puis Alvaro Soler qui est avec Sophia. Elle est magnifique, je trouve magnifique sur scène. Alissa Keys avec No One, non, personne. On est heureux de vous retrouver. 16h20, 49 minutes. Ouais, elle n'est pas à l'heure la pendule en fait. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio en direct. After Job avec Francky l'après-midi. Et ouais, je suis avec vous jusqu'à 18h30. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi parce que ça y est, c'est bientôt la fin d'après-midi. Ah ouais, la ville de Fleury-les-Aubrais qui va réouvrir l'accueil de la mairie à partir d'aujourd'hui, donc le 22 juin. Toutefois, au vu du contexte sanitaire, il est demandé aux usagers de respecter une distanciation sociale, bien sûr, et de porter un masque. Donc voilà, si vous voulez des renseignements, si vous habitez à Fleury-les-Aubrais, vous voulez vous rendre à la mairie, bah ça y est, l'accueil est réouvert. Du bon son qui arrive avec Sophia et Alvaro Soler, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Et des étoiles plein la tête, et du soleil plein la tête aujourd'hui. Il va briller le soleil encore avec Alvaro El Soleil, El Rios del Sol. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvanece.

muchas gracias, merci. La langue pointue est dans le cul, mais l'esprit de mauvais cul. Où est l'utilité de prêter attention à de tels individus? Vous le savez où? Vous l'avez su? Vous le savez où? Vous l'avez su? Le tout est de tirer profit de telle expérience. Et par chance de ne plus côtoyer à nouveau le fruit de telle semence. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement funky, zin, funky. Ah, j'adorais ça à l'époque, hein. Alors c'est nick, simple funky music. On va vous donner quelques chiffres là sur le Covid-19, histoire de vous remémorer un peu votre mémoire qui est peut-être en perdition, parce que beaucoup moins de masques, hein, les gens font moins gaffe. On vous en parle tout de suite. After Job avec Francky l'après-midi. Jusqu'à 18h30, et puis la France qui a enregistré 7 décès supplémentaires liés au Covid-19 en 24 heures, hein, selon le bilan publié dimanche soir par Santé publique France. Le nombre de patients atteints en réanimation est stable, 715 malades, soit le même nombre que la veille. La pandémie a fait au moins 465 000 morts dans le monde, sur la planète, hein, depuis décembre. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 119 000 décès, suivi du Brésil, 49 000 décès. Derrière, le Royaume-Uni avec 42 632 morts. L'Italie, 34 634 morts. Et la France, 29 633. Donc, respectez encore bien les barrières de sécurité, la distanciation, portez des masques, lavez-vous les mains régulièrement. Faites attention, faites pas n'importe quoi. Du son qui arrive avec Maria Maria. Et ça, on adore. Sur la console, le meilleur des souvenirs avec Carlos Santana.

them every day. Oh, oh, oh. Me and the girl them, we a party. Yeah, yeah, yeah. Roll with the girl them every day. Oh, oh, oh. Me and the girl them, we a party. And we a make them shake them booties. All of me cuties, all of me roadies. In a dance hall, we a make these movies. International party animal. Let me tell you about who this do this. Best believe. Bang bang B.O. Ah, le coup de soleil que je viens de prendre là, Lucenzo avec Sean Paul. Wine up sur la française. On est avec vous, Francky, jusqu'à 18h30 en direct sur le 96.2 FM. C'est la famille réunie aujourd'hui. After Job avec Francky l'après-midi. Et ouais, Francky l'après-midi, hein, jusqu'à 18h30, plein d'invités. Tout à l'heure, on va recevoir deux invités. Et puis alors demain, le panel, quoi. On aura Aurélie Leuillet de la mairie d'Orléans qui sera avec nous au téléphone pour nous parler justement des municipales 2020 du côté d'Orléans. On aura du côté de la mairie de Fleury-les-Aubrais Jean-Jacques Radzaski qui sera avec nous au téléphone aussi, élu à la mairie de Fleury-les-Aubrais, qui nous parlera des municipales 2020. Et puis côté chanson, on aura Magali Vahé à 18h15, Magali Vahé, vous la connaissez forcément, la Star Academy 5. Eh ouais, elle l'avait gagnée en 2005. Eh bien, elle sera avec nous au téléphone demain, Magali Vahé, pour nous présenter son nouveau single en exclusivité. Et ça sera sur Radar Franciel. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de la recevoir. Et puis là, forcément, ça va vous rappeler de bons souvenirs. 1986, pour les plus anciens, vous aviez quel âge à l'époque? Ils sont restés 16 semaines, numéro 1 au top 50, comme on disait à l'époque. Voici Emile et Ima. Et là, c'était Image avec Jean-Louis et Mario. C'est les démons de minuit, l'été 86, le tube comme on faisait à l'époque. Voici les démons de minuit sur Radar Franciel. Avec Francky, l'après-midi. Je vois

Ambiance dans le sol avec Danny Yankee sur Radio Arc-en-Ciel. Ça fait du bien de vous retrouver à 17h21. La météo pour demain. La météo. Eh bien, demain, on prend les mêmes, on commence. Il va faire beau, il va faire chaud, l'été sera chaud, comme nous le dit la chanson. Demain, les températures 16 degrés au lever du jour, c'est plutôt pas mal, jusqu'à 28 degrés. Mercredi, il va faire encore beau, et le jour le plus beau, le plus chaud, on va dire, ça va être jeudi. Jeudi, on va quand même frôler les 33 degrés. Eh oui, messieurs, dames, dans quelques minutes, on sera avec Sébastien au téléphone, directeur d'exploitation de cinéma. Il va nous parler de la réouverture aujourd'hui des cinémas en France, à Orléans, du moins. Et comment que ça s'est passé? On veut tout savoir. Tout à l'heure, à 17h30, Sébastien, directeur d'exploitation, en direct sur Radio Arc-en-Ciel. À l'époque avec ça, avec Felices Los Cuatro Maluma sur Radio Arc-en-Ciel. C'est vrai que les clubs sont pas encore ouverts, hein. On a de la peine pour tous nos amis qui tiennent des discothèques en France, on pense très très fort à eux, notamment à cette époque-là. On a fait les dingues là-dessus, sous la boule à facettes. Le carton de l'été 84 avec Pino D'Angio Macledea. Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, con le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata. Oh yeah. no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo biffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento lei lunga la sala, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa, in fondo scusa, tu che dai? Un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento lei lunga la sala, lei ti farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi. In fondo scusa, in cambio tu che dai? Quel souvenir, mais quel souvenir, hein. Ah ouais, on a dansé là-dessus, hein. Ah, je me souviens encore, hein. Je me souviens le pas de danse devant la glace, hein. Oh, on a tous dansé devant la glace en se regardant. Ah ouais, surtout les filles. On va appeler la région d'Orléans, le cinéma. Tiens, on va appeler Seb, directeur d'exploitation, tout de suite à l'antenne en direct. Job. Avec Francky, l'après-midi. Eh ouais, on est là l'après-midi, puis je suis heureux jusqu'à 18h30 de vous retrouver. Direction la région d'Orléans, et puis on va appeler le directeur d'exploitation du cinéma, Pathé Orléans et Saran. C'est parti, sa numéro, il s'appelle Sébastien. Comment s'est passé la réouverture? Et ça sonne très fort en plus. La réouverture des cinémas, s'est-elle bien passée? Oui. Bonjour Sébastien, directeur d'exploitation des cinémas Orléans Pathé. Bonjour Saran et Orléans. Bonjour, comment tu vas bien déjà? La première des questions. Ouais, ça va, on est content aujourd'hui. C'est un jour sympa. Est-ce que la santé est bonne? Ouais, ça va, t'es en bonne santé. Ouais, bien sûr. Bon, ça c'est l'essentiel. Alors depuis aujourd'hui, sur la totalité de la France, les cinémas ont pu réouvrir leurs portes. Vous étiez fermé depuis le 14 mars, je crois, si c'est ça. Hein. Exactement, le 14 mars au soir, ouais. Ouais, comment s'est passé cette attente, justement, ce confinement? C'était long pour vous, comme tout le monde d'ailleurs, je pense. Bah ouais, ça représente quand même 100 jours, quoi. Donc 100 jours, c'est quand même assez compliqué à vivre. C'est long, effectivement. On a fait partie des personnes les premiers à fermer, puis surtout les derniers à rouvrir, en fait. Ouais. Donc on a vu tous nos copains commerçants rouvrir là un peu partout sur Orléans, et puis là, les trois dernières semaines, elles ont vraiment été longues, hein, d'autant plus qu'il a fallu tout préparer pour être bien aux normes sanitaires. Bien donc, sûr, ouais. Donc on est très très content d'avoir ouvert. Quand tu dis on a vu tous nos copains ouvrir, ouais, ça, le moral il baissait ou il augmentait en se disant peut-être qu'on a une chance de réouvrir dans quelques semaines, quelques jours, quelques mois? Ah, on va dire qu'on était plutôt envieux qu'autre chose. On avait plutôt aussi envie nous aussi de rouvrir nos portes, mais bon après on avait bien compris que compte tenu de tout ce qui se passait, c'était effectivement préférable pour que ça soit pas le cas. Donc maintenant vu que tout ça évolue dans le bon sens, c'est vrai que c'est beaucoup plus justifié que nos salles rouvrent. Et puis on avait surtout la contrainte que en fait l'ensemble des cinémas aussi en France rouvrent à la même date. Et ça demande une organisation qui peut pas se faire du jour au lendemain en fait tout simplement. Une très grande organisation avec une charte, je suppose, d'hygiène qui a été mise en place d'hygiène, de sécurité. Comment s'est passé la mise en place de la charte, explique-nous un petit peu. Il y a eu quoi Vas-y. Oui, il y a eu quoi comme règles respectées, par exemple, les distanciations, ça c'est sûr, les masques, il y a eu des zones respectées? Alors les règles principales, déjà ça concerne en fait le port du masque. C'est le port du masque qui est obligatoire dans nos espaces communs. Pas dans la salle, donc en gros il est obligatoire jusqu'à ce qu'on soit assis dans son fauteuil. À partir du moment où vous êtes assis dans votre fauteuil, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de souci. Il y a une deuxième règle aussi après qui consiste à marquer la distanciation sociale en fait dans nos salles aussi notamment. Donc ça c'est notre logiciel qui le gère plutôt bien, donc ça veut dire que quand on fait une réservation, si on est tout seul, la place de gauche et la place de droite sont automatiquement condamnées. Ah oui, d'accord. Et si on dans une seule réservation, on réserve, mettons, j'en sais rien, avec toute sa famille à 5-6, on va dire les parents et les 3-4 enfants, et ben ils vont pouvoir être tous côte à côte, mais il y aura aussi le siège de gauche et de droite de ces personnes-là qui au final seront condamnées. Alors donc ça, c'est une petite chose. Et puis après, il a fallu aussi mettre la distanciation sociale avec du marquage au sol, des plexis dans le hall, enfin des choses comme ça. Donc quand on est assis dans la salle du cinéma, donc il y a des fauteuils qui sont pas occupés justement, qui sont faits pour faire la distanciation, la séparation entre certains groupes ou des gens extérieurs. Exactement. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place? Est-ce que les gens l'ont bien pris aujourd'hui, par exemple dans les premiers films? Alors aujourd'hui, on est plutôt agréablement surpris là, des réactions des clients, parce que la plupart effectivement sont arrivés avec leur masque sur le visage, donc on n'a pas dû pour l'instant faire trop la police. Donc ça c'est bien, mais ça montre aussi que tous ces bons gestes qui sont ils sont maintenant dans les mœurs. Ils sont ancrés, c'est ça, ils sont plutôt rassurants pour nous. Après, pour le reste, non, c'est plus en fait un travail de mise en place qui a été un petit peu fastidieux là sur les quelques derniers jours, parce qu'il y a aussi fallu réactiver les équipes, les resolliciter, les remobiliser. Donc, ça doit adapter aussi, parce que la contrainte aussi qu'on a, nous, c'est que du coup, vu qu'on redémarre de manière un peu prudente, les cinémas ne réouvrent pas du matin au soir comme c'était le cas avant le confinement. Là, on est sur une réouverture de 15h45 à 23h30 en semaine et 13h45 à 23h30 le week-end. Donc, il a fallu réadapter en fait l'organisation des équipes et tout ça. Donc, ça bouleverse un petit peu leurs habitudes. Ouais. Donc, c'est un peu plus ça en fait qui a été délicat. Pour le reste, c'est comme tout. Hein, tout le monde y est passé, tout le monde s'en est sorti. Il n'y avait pas de raison que pour nous, ça ne soit pas le cas non plus. Est-ce que c'était facile aussi pour le personnel de le former entre guillemets, parce que la formation elle lui a été assez rapide, je pense, d'expliquer certaines règles barrières à respecter, à dire aux clients faites ci, faites pas ça. Ouais. Est-ce que ça a été facile ça à gérer? Alors là, pour le coup, le fait d'avoir eu 100 jours d'arrêt, ça a été le côté, on va dire, c'est le seul côté positif, c'est qu'en fait, nos employés, tout comme n'importe quel citoyen français, habitant en France, ils ont dû se faire aux fameux gestes barrières, au port du masque, au respect de tout ça. Donc en fait, ils sont arrivés, ils avaient déjà un peu l'habitude de ça. Donc maintenant, il faut juste qu'ils l'appliquent sur leur lieu de travail, mais ça n'a pas été compliqué de faire passer le message du tout. Ils ont été plutôt très coopératifs et puis ça serait bien que c'est aussi une question d'image pour véhiculer une bonne image des cinémas pâtés de l'agglomération. Donc non, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Comment ont été les réactions des premières personnes qui sont rentrées dans les salles de cinéma? Il y a eu des gens qu'on parlait avec ton personne disant on est content de revenir, on est heureux, ça fait 100 jours comme tu disais qu'on attend de voir un bon film, un vrai film. Ça a été un peu des réactions positives ou alors les gens ont eu peur? Non. Non, alors on a eu des réactions plutôt émouvantes en fait. On a même eu les cinq premières personnes qui sont entrées dans le cinéma qui nous ont dit ah, c'est tellement émouvant de refranchir ces portes. Nous, ça nous fait plaisir parce que c'est un peu le genre de réaction qu'on rêvait en fait. On a envie que les gens ils reviennent dans une attitude positive. Après, au contraire, justement, je trouve que nous, on a fait le maximum dans nos espaces pour que l'ensemble de ces gestes barrières, tout ça, soit le moins oppressant possible. Donc, j'espère qu'on va pas en faire peur à certains, ou alors c'est qu'on a mal fait notre travail. Mais a priori, je suis pas trop inquiet là-dessus. Mais par contre, là, les premières réactions, c'était quand même vraiment émouvant. Et puis même, le fait ne serait-ce que de rallumer les lumières, la musique, d'ouvrir ces portes, c'est de voir les gens franchir ces portes, quoi. Et rien que ça, pour nous, ça faisait 100 jours. Même les personnes qui étaient assises dans les fauteuils, ça devait être comme un cadeau, un peu, le cinéma qui revit, qui renaît, là. Et ils devaient en avoir plein les yeux. Ça, on devait être bien au cinéma. C'est vrai. Exactement. Et du coup, je les ai accompagnés, moi, en salle, pour voir un petit peu leur réaction. J'écoutais un petit peu ce qu'ils se disaient, là, justement, dans la première fois. Justement, qu'est-ce qu'ils se disent, alors? Ils disent que, j'ai entendu vraiment, deux dames notamment dire, ah là, qu'est-ce que ça fait du bien. Ah voilà, donc moi, ça me suffit. J'avais pas besoin d'aller plus loin, pour les autres, mais non, en gros, c'est ça, c'est extrêmement positif et, je pense qu'ils avaient besoin de se retrouver dans ce contexte-là parce que le cinéma, en fait, c'est quand même un vecteur d'émotion incroyable. Je pense que l'expérience du grand écran, elle est complètement, incomparable à d'autres. Quoi qu'il se passe, vous ne retrouverez jamais cette expérience-là chez vous. Les mauvais moments, pour dire ce qu'elle veut, avoir un écran aussi grand dans les salles de cinéma. Enfin, moi, je ne connais personne qui a un écran comme ça chez soi. Oui, non, on Voilà. Donc, Donc du coup, c'est voilà, ça reste une expérience incomparable et j'ai vraiment envie que les gens reviennent au cinéma pour bah, de nouveau s'évader en fait de leur quotidien parce que le cinéma ça sert à ça. Et justement. Vas-y, je te laisse finir, ça va. Non, bah voilà, qui reviennent pour vivre ces émotions-là parce que il y a que en les partageant avec des gens assis, enfin à côté d'eux ou là pour le coup pas très loin d'eux. Et qu'on vit un film autrement aussi. Le fait d'être entouré, de vivre en même temps les réactions de la salle, en même temps que les siennes, c'est une expérience incomparable. Justement, tu parles de film. Est-ce que le choix du film a fait que les gens voulaient plus voir des films peut-être plus joyeux, plus d'aventure que des films tristes ou de guerre? Je sais pas, c'est un exemple. Est-ce que ça a eu la majorité, les films un peu d'action, d'humour, de comédie? Alors, on n'a pas fait trop en fonction de ça, en fait. Pour être très honnête, on a fait aussi en fonction de l'actualité, déjà, qui a été perturbée au moment du confinement. Parce qu'on a notamment privilégié les films qui étaient présents à ce moment-là. Je pense à trois films. Je pense à La Bonne Épouse, je pense à De Gaulle et je pense à Fille de Joie. Parce qu'en fait, ces trois films-là, en plus, ont pas fait le choix de passer sur les plateformes de téléchargement après. Ouais. Pendant le confinement, on reprend quelques films qu'on fait ce choix-là. Mais parce qu'effectivement, il faut diversifier notre offre. Donc, je pense à, effectivement, à En Avant, un film pour enfants, Invisible Man, un film un petit peu horreur, pour directement revivre des émotions comme ça, un peu flippantes. Ouais. Et puis, je pense à Sonic, voilà, pour le côté familial. Et à côté de ça, on a aussi, il y a trois nouveautés, faut pas oublier les trois nouveautés qui sont The Hunt, qui sont, Nous les Chiens et qui sont, L'Ombre de Staline. Parce que c'est quand même très courageux de se positionner en tant que distributeur de films à la réouverture des cinémas. C'est un vrai pari. C'est vrai. Et j'espère que ces films-là feront les entrées qu'ils méritent, ne serait-ce que pour la prise de risque. Et à côté de ça, on a préparé quelques surprises pour les Orléanais, donc avec notamment en 4DX sur Orléans le premier volet d'Harry Potter qui est complètement inédit dans ce format-là, et une reprise des films de Christopher Nolan, de Inception, Interstellar et Dunkerque en IMAX à Saran. Alors pour toi, cette première ouverture était entre guillemets une réussite alors, Seb, hein? On est plutôt content parce qu'en fait, on se demandait justement est-ce que les personnes allaient être appréhendées au rendez-vous tout à l'heure. Ouais, vous avez appréhendé avant l'ouverture, vous dites comment on veut réagir les gens, est-ce qu'ils vont être bien, est-ce qu'ils vont être sympas. Enfin, en général, ils étaient sympas. Oui. Après, c'était plus est-ce qu'ils vont être là ou pas. En plus, aujourd'hui, on n'a pas vraiment un temps de cinéma. Hein. Dehors, il fait super beau, il va commencer à faire super chaud en plus. Ouais. Donc ça nous met une contrainte en plus supplémentaire. Mais on était très agréablement surpris tout à l'heure à l'ouverture des portes, que ce soit sur Orléans ou sur Saran. Les gens étaient bien présents au rendez-vous, bien organisés, bien disciplinés. Voilà, ils contents d'être là. Donc non, agréablement surpris. Et puis là, sur aujourd'hui, sur entre Orléans et Saran. À ce matin, on avait déjà quasiment plus de 500 réservations rien que pour le journée d'aujourd'hui. Donc c'est très encourageant. Donc on espère que ça va continuer sur cette lancée. On a bon espoir en tout cas. On est plein d'optimisme en fait. Plein d'espoir pour vous. Une question de Cécile, une question assez facile. Bonjour Seb, comment voyez-vous l'avenir pour les cinémas aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est résolument. Peut-être pas aujourd'hui, mais sur l'avenir, sur la longue durée, je veux dire par rapport au Covid. Ouais. Alors, par rapport au Covid, enfin, tout va dépendre en fait de justement de comment ça va se passer. Je pense qu'on va avoir droit aux films américains qui vont revenir assez rapidement dans les salles. Il y en a quelques-uns qui sont prévus fin juillet notamment. Donc les gros films qu'on a l'habitude de voir dans les salles, ils vont revenir, ça, il n'y a aucun souci. Après, effectivement, ce qui inquiète un peu toute la filière aussi, c'est effectivement ce fameux virus, la menace d'une deuxième vague, effectivement. Ouais, le retour. Ouais. Le retour, on va dire à l'automne ou au mois d'octobre, novembre, enfin voilà, dans ces deux-là. Bien sûr que ça fait réfléchir tout le monde. Après, moi, je pars du principe que si tout le monde respecte ces fameux gestes, si tout le monde respecte le port du masque dans les espaces communs, il n'y a pas de raison que ça prenne autant d'ampleur que ça en a déjà pris. Je suis assez optimiste à ce niveau-là. Après, bon, on n'est pas, pas scientifique non plus. Ouais, c'est vrai. Donc j'espère qu'on a plus ça derrière nous que devant nous. Après, seul l'avenir nous le dira. Après, il faut rester optimiste. Et puis dans tous les cas, même s'il veut y avoir une deuxième vague, le cinéma résistera une deuxième vague. Hein. Le cinéma, ça fait 100 ans qu'il est là, il a connu déjà deux guerres. C'est clair. Donc il n'y a pas de raison quoi. Optimiste. Optimiste avec ce dernier mot, merci. On croise les doigts pour tout le monde, pour les cinémas, pour toute la planète, pour que tout le monde s'en sorte. Ça, c'est le mot d'ordre aussi. Hein. Mais merci Seb, directeur d'exploitation. Alors on m'a dit que tu étais fan de métal, c'est vrai? C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, je suis un gros. Ah bon, c'est ça. Justement, t'avais un groupe et ils seront. Tiens, justement, il y a une émission Metal Rock, il faudra que tu passes dedans, MC4 là, à la radio. Bah ouais, bah carrément. Moi, avec grand plaisir. Bah, et puis, on a été pas mal perturbés aussi par le Covid, ouais. Nous aussi. On avait pas mal de dates qui étaient prévues, qui ont été annulées. Donc, là, a priori, on recommence à jouer en concert fin août dans le sud de la France. Ok. Merci de ta bonne humeur, Sébastien. Voilà. Bonne fin d'après-midi. 17h41. Merci. À bientôt et à très vite en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Avec Magic in the Air, j'espère qu'on pourra lever les mains en l'air bientôt dans les clubs, hein, en espérant qu'ils ouvrent très prochainement. On les soutient du fond du cœur. Merci à Sébastien, hein, directeur d'exploitation des cinémas, qui était avec nous au téléphone, qui nous a dit des bonnes nouvelles. Ça s'est bien passé aujourd'hui. Bah, on est tous contents. En tout cas, vous, si vous avez été au cinéma aujourd'hui, bah, appelez-moi 02 38 43 48 00. Et pour moi, c'est l'un de mes slows préférés. Enfin, je sais bien. Voici Marc Lavoine, rappelez-vous, dans les années 89. Ouais, même si le son de Marc Lavoine, tout en douceur, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Même si tu sens mon cœur qui bat, si je veux du bout. toi-même. Si je suis sincère, même si tu peux lire dans mes yeux clairs que je fais tout pour te plaire, ne te laisse pas faire. Même si je suis sous, même si je crie des poèmes comme un enfant blême, il ne me voit pas. Sauve-toi, oublie-moi, couvre-toi, pense à toi, laisse-moi. Si on s'attache à nous, on va se faire mal. Même si je suis fou, même si je crie que je t'aime comme un enfant blême, n'ouvre pas. Je kiffe ce slow, je sais pas pourquoi, je kiffe. Même si Marc Lavoine, quel souvenir. Ouais, on a dansé là-dessus. Non, bon, les gonzesses aussi, mais des mecs peut-être aussi pour vous les filles. Du son caliente, Marc Lavoine. Juste avant d'accueillir dans moins de 10 minutes Sandra, Sandra, eh bien, elle est l'ambulancière pour les animaux, hein, c'est exceptionnel. Elle est d'Orléans, elle va nous raconter ce beau métier. Et puis alors, quel beau métier, elle s'occupe des chiens, des chats, vous allez voir tout à l'heure en direct à 18h. On va chanter, on va danser, c'est la vie. On espère danser bientôt. Marc-Anthony avec Vivir, mais vide. On va être avec vous, c'est Francky dans la radio. 17h52 minutes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, là, dans moins de 8 minutes, on aura Sandra avec nos téléphones ambulancières pour chiens, pour chats, les aides, les soignes. Eh bien, c'est nouveau, ça vient d'arriver. Plutôt pas mal, hein. Alors, comment se passe le confinement? Comment a eu l'idée, Sandra, de devenir ambulancière pour chiens, chats? On va en parler avec elle juste avant 18h. Et là, c'est la Madone qui arrive avec le meilleur des souvenirs, c'est Vogue sur l'arc-en-ciel. Minutes avec la Madone, ça c'était les meilleurs albums sous la Vogue avec du son caliente qui arrive. On aura Bella de Maître Gims et puis dans moins de 4 minutes, Sandra au téléphone avec nous qui va nous parler justement de ce beau métier qu'elle a fait, qu'elle fait et qu'elle adore. Elle a eu l'idée pendant le confinement, c'est quand même drôle d'idée tout ça. Et bien on en parle avec elle au téléphone. Elle transporte les chiens, les chats, c'est une ambulance en fait, elle les aide, alors c'est un coup de main comme on dit. Dans moins de 3 minutes, Sandra sera avec nous au téléphone. I'll be missing you, aussi Puff Daddy sur un air en ciel. Yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your every life after death. Every step I take, every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bond to break, I'll be missing you. It's kinda hard with you not around. You in heaven smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. À notre Toulouse Big, Puff Daddy, I'll be missing you sur l'arc-en-ciel de la famille. After Job avec Francky l'après-midi. Et ouais, l'après-midi, puis on appelle Sandra, ambulancière pour chien, pour chat. Elle a eu l'idée pendant le confinement, et quelle bonne idée de prendre soin des animaux. C'est vrai que on n'en prend pas toujours soin, mais il y en a même qui les abandonnent. Eh bien, Sandra, on va nous expliquer tout ça au téléphone avec nous en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Allez. Oui, allô? Bonjour Sandra, c'est la Radio Arc-en-Ciel. On est en direct sur le 96.2 FM. Bienvenue dans la radio. Ça va Sandra? Merci. Ouais. Merci. Alors déjà, la première question que je pose à tout le monde, la base, comment tu vas? Est-ce que tu es en bonne santé? Ça va? Je vais très bien. Bon, ça va vraiment très très bien. C'est l'essentiel. Comment, avant de parler justement du job que tu exerces, là, l'idée t'est venue pendant le confinement, justement, comment s'est passé pour toi personnellement le confinement? Alors, au début, j'ai appréhendé un petit peu quand il y a eu le confinement, parce que j'avais pas démarré mon travail. Ouais, on va en parler. Et en fin de compte, moi, le confinement, il m'a plutôt bien réussi bien, par rapport ouais. à d'autres. Ça t'a donné des idées, on va en parler juste derrière, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors toi, à la base, tu es, si je note bien, j'ai pris des notes, infirmière, c'est ça, à la base, tu étais infirmière? Non, aide-soignante. Aide-soignante, ouais. C'est dans le même métier, on va dire, le corps de métier. Alors, voilà. Aide-soignant, tu étais à Fleury-les-Aubrais, si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me suis pas trompé, de mémoire, si j'ai les bonnes infos. C'est à Fleury-les-Aubrais, c'est ça? Ah, pas du tout. Pas du tout. Bah, moi, j'ai été aide-soignante pendant 23 ans. J'étais en région parisienne. Ah ouais, bah j'ai lu des mauvaises informations. Alors, dis donc. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, on va expliquer ce que tu fais. Donc, ambulance pour chien, pour chat. Tu aides les petits animaux et c'est bien parce que c'est vrai que souvent, malheureusement, on les délaisse aussi. Porter secours aux chiens, aux chats, c'est ça le but de ta société que tu as créée, Sandra? Alors, au départ, j'avais décidé de faire du taxi pour ouais. permettre aux gens qui n'ont pas de véhicule de pouvoir emmener leurs animaux, alors spécifiquement moi, c'est chien et chat, ouais. Chez leur vétérinaire pour des consultations, des vaccins, chez le toiletteur, par ouais. exemple, ou les déposer voilà, dans le refuge si vraiment les gens partent en vacances. Et ouais. puis, je me suis dit que ce qui serait pas mal, ce serait de rajouter le côté ambulance. Ah ouais, ouais. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont besoin parfois la nuit de se déplacer chez le vétérinaire pour une urgence. Ouais, ouais, bah ouais, ça arrive, hein, les animaux comme nous d'ailleurs, hein, il y a des urgences aussi. Hein, on y passe voilà, qui n'ont pas de voiture et les vétérinaires ne se déplacent pas à domicile. Et ouais. Donc j'ai lancé ce principe en même temps que le taxi. Ouais. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup aux vétérinaires. Alors tu disais que l'idée m'est venue pendant le confinement, mais alors, elle est venue comment cette idée? T'étais dans le canapé allongé, tu t'es dit tiens, je vais faire une ambulance. Comment? t'étais allongé dans le canapé là, tu t'es dit tiens, je vais faire une ambulance pour les chiens, les chiens ou un taxi. Non. Presque. Ouais. Non. Il y a à peu près 4-5 ans, pendant que j'étais aide-soignant, je faisais du covoiturage pour des associations qui récupéraient des chiens maltraités ou handicapés et qui ouais. les remettaient pour certains à l'adoption. Et ces associations avaient besoin de personnes pour les emmener chez les adoptants. Et donc, je me suis proposé en tant que bénévole. Ouais. Donc, je montais, étant en région parisienne, j'allais à Caen chercher l'animal. Ouais, quand même. Je l'emmenais sur Paris, je faisais le Nord et la Belgique. Et puis, il y a 2 ans, pendant mon travail, j'ai fait, comme ça arrive, un burn-out. Et puis, je me suis dit, mais toutes les fois où j'ai pu faire ce covoiturage, en fin de compte, j'étais pas, il n'y avait pas de protection. Je prenais ma voiture personnelle, hein, j'étais pas couverte. Ce qui se passe actuellement pour beaucoup de covoitureurs entre associations, hein, malheureusement, ils n'ont pas le choix non plus, parce que. Un transporteur, ça se paye. Oui. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas proposer ce genre de service qui n'existe quasiment pas. Bah, pas du tout. J'ai vu ça sur les journaux quotidiens. Et je me suis dit, c'est rigolo. Puis c'est bien. C'est bien de prendre soin des animaux, des chiens, des chats. Ouais, je trouve ça bien. Fort pour eux, parce que c'est vrai que souvent, malheureusement, il y a eu pas mal d'abandons aussi, notamment avant l'été. Hein, oui. Ça, on le sait. Oui. Et puis, prendre soin d'eux, ils ont besoin aussi qu'on les emmène chez le véto, comme tu disais, comme nous, on va chez le médecin. Hein, ça, c'est une super initiative. Voilà. Et surtout pour les personnes âgées, par exemple, je vois les personnes âgées qui ont des petits toutous, des petits chats, et ils peuvent pas les emmener. Hein, donc, ils font appel à toi, alors. J'ai pas entendu, pardon. Les personnes âgées peuvent faire appel à toi, je veux dire, c'est plus simple pour elles, parce qu'elles peuvent pas se déplacer souvent. Ouais. Tout le monde peut m'appeler. Moi, je peux intervenir aussi. J'ai fait une formation dans le taxi ambulance animalier. J'ai ouais. passé mon véhicule a été agréé par les services vétérinaires. Oui. Mon véhicule possède un brancard et une rampe. Ah oui, oui, puis une rampe pour pouvoir monter les animaux qui auraient des difficultés à marcher. Hein, ouais. Un peu âgés ou des animaux qui auraient de l'arthrose. C'est vrai que pendant le confinement, j'ai appréhendé. Je me suis dit, tout est fermé, ouais. je ne vais pas avoir d'appel. Et en fin de compte, les premiers appels que j'ai eus venaient d'éleveurs. Qui avait vendu des chiens donc courant mars mmh. et qui malheureusement avec le confinement n'ont pas pu les faire partir chez leur nouveau maître mmh. puisque les maîtres n'avaient pas le droit de sortir de chez eux. Moi en tant que professionnel j'ai le droit. D'accord. Donc je n'ai travaillé et encore maintenant je ne fais quasiment que des éleveurs. Que des éleveurs. Pour l'instant c'est des éleveurs. Après peut-être que les particuliers vont venir. On espère. Alors j'aimerais j'ai du local. Hein. J'ai quelques clients d'attitrés sur local. C'est vrai que j'aimerais développer un peu plus le local. Là actuellement, je suis par exemple, je suis sur une aire d'autoroute parce que je reviens de Toulouse. Ouais, d'accord. Ah ouais, quand même. Tu fais de la route. Oui, j'ai fait Toulouse, je suis allé à Marseille, j'ai fait la basse Normandie. Je peux aller très loin. C'est vrai que j'aimerais développer plus le local. Alors, j'aimerais. T'as dû t'équiper, bien sûr, un véhicule. Il a fallu un véhicule un peu spécial, comme tu le disais tout à l'heure. T'équiper, ça a dû coûter une certaine somme quand même, un véhicule comme ça équipé, non? Oui, ouais. c'est un budget. Un budget. Ouais, c'est vrai, quand je me suis lancé l'année dernière, quand on fait une demande de financement auprès d'une banque, on vous demande un apport. Ouais, et souvent, et quand on n'a pas d'apport, comme moi c'était le cas, j'ai pris le risque de vendre ma voiture. Ah d'accord, ouais. En sachant que même si je la vendais, le financement n'était pas forcément accordé. D'accord. Donc j'ai pris ce risque. J'ai bien fait, parce que j'ai une banque qui m'a suivi, mais les yeux fermés. C'est rare, hein. Peut-être. C'est rare. Oui, c'est rare. Mais j'ai... Ouais. Je salue mes amis banquiers. C'est vrai que là, j'ai une banque qui me suit, mais à 200%. D'accord. Et je pense que la banque, ils croyaient peut-être plus que moi, même au départ. Ah, d'accord. Bah, ça, c'est bien. Ça, c'est au moins, t'es tranquille. Voilà, c'est ça. Et non, ça démarre très bien. J'ai beaucoup d'appels. Alors, effectivement, j'ai beaucoup d'appels sur le national. Mmh. Parce qu'effectivement, quand j'ai lancé ma boîte, j'ai commencé à publier sur ma page Facebook. Ouais, t'as commencé tranquille, donc, hein. Ouais, et puis ça se développe. Voilà, là. Donc j'ai partagé avec mes amis, qui ont partagé avec leurs amis, et ça fait. Attendez, je vais juste. Parce que je crois qu'il y a un camion qui. Ouais, bah, pas avoir un accident, hein. T'es bien stationné, hein. Pas de live. Non, hein. Je suis à l'arrêt. Non, ouais. Moi je suis à l'arrêt, mais c'est le camion qui a pas vu que j'étais à l'arrêt. Ah ouais, il a pas vu. Bon. Il va ouvrir les yeux, le routier. Non, mais c'est bon. On les salue, nos amis routiers. Il est parti. Heureusement. Et oui, c'est un budget. C'est après, moi j'ai voulu. Quand je me suis lancé, je voulais pas faire ça dans une petite voiture avec juste une boîte, boîte à chat ou une boîte à chien. J'ai voulu mettre de la qualité et du confort. Ah oui. Pourtant, hein, c'est important pour nos amis les bêtes, hein, aussi, hein, le confort. Comment? C'est important pour nos amis les bêtes, le confort aussi. Bien sûr. Bah oui. En sachant que dans des transports comme je fais, ils peuvent être au minimum 6 heures dans le camion. Ah ouais. Donc j'ai pris un utilitaire, j'ai fait faire des box sur mesure. Ah oui, carrément. Qui ont mis, ah oui, oui. Donc, qui ont mis 3 semaines de fabrication. Maintenant, quand j'emmène l'animal, c'est vrai qu'il a, il a des alaises, il a des jouets, parce que j'ai mis des jouets aussi pour occuper les chiots quand je suis sur la route. Il y a vraiment de la qualité, il y a de la sécurité, c'est ce que moi j'ai envie d'apporter. Ouais. C'est aussi pour ça que je me suis installé à Orléans, parce qu'à Orléans, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça, c'est vrai. Et puis moi, je viens d'avoir une idée, là, qui m'interpelle. On pense, tu sais, on parlait d'abandon, malheureusement. Ça arrive encore en France, l'été, surtout l'été, dans les grands départs de vacances. Et je pensais que les gens, bah, malheureusement, on peut pas abandonner un chien comme ça sur le bord de la route. Mais au lieu de se dire, je veux me débarrasser de mon animal, plutôt que de le laisser n'importe où et faire n'importe quoi, pourquoi pas faire appel à tes services, dire voilà, bah, je peux plus avoir le chien, le chat, est-ce que vous pouvez venir le chercher, l'emmener dans un refuge ou à l'SPA, je sais pas. Ça serait l'idée, ça, non? Je sais pas, hein, moi, hein, je dis des conneries, peut-être. Après, je peux très bien comprendre, quelqu'un qui ne pourrait pas garder son chien pour une raison professionnelle, pour une raison, voilà, ça, je pourrais encore le comprendre. L'abandon, il est pas compréhensible, mais à la rigueur, il m'appelle, il me dit, moi, je peux pas garder mon chien, je peux venir le chercher pour je viens le chercher. Ouais, ça c'est faisable. De mon travail. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Je peux intervenir, comme là, j'ai eu le droit, je peux intervenir pendant un accident, par exemple, la demande de la police, ou des pompiers, parce que les pompiers, quand ils sont sur un accident avec un animal, ils ont des fois autre chose à faire que s'occuper de l'animal, l'humain passe avant. C'est pas facile. Donc moi, on m'appelle. Voilà, et moi je peux prendre en charge l'animal. Est-ce que tu as eu des demandes super insolites, de chercher un âne? Alors j'ai eu une demande le mois dernier de Bretagne pour un poney. Un poney, ah ouais, carrément. Et t'as cette place pour il rentre le poney dans le petit camion là? Non, il rentre pas. Non. J'ai expliqué. Alors déjà, j'ai expliqué à la dame que c'était trop loin, que moi, j'ai pas le droit de faire de. Je fais pas dans le poney. Ah d'accord. Et j'ai eu récemment une demande aussi pour une chèvre. Ah, une chèvre, ouais. Ça passerait une chèvre ou pas? Est-ce que ça passe une chèvre? Chèvre, j'ai pas le droit. En fait, tous les animaux de rente, j'ai pas le droit. Ah, t'as pas le droit. Donc c'est les chiens, les chats, voilà, etc. Ouais, c'est ça. Voilà, moi, c'est tout ce qui est animaux domestiques, donc spécifiquement chiens et chats. Mais tout ce qui est nac, je ne fais pas. D'accord. Enfin, ouais. Pas pour le moment, hein. Si j'avais de la demande, voilà, je referais une formation. Mais oui, j'ai eu des petites demandes comme ça, insolites, comme j'ai des demandes aussi, j'ai des demandes pour la Russie. Ah ouais, pour la Russie carrément, d'accord. Ah oui, en tout cas, on me demande d'aller très loin. Mais c'est vrai, ce que j'aimerais, c'est vraiment développer le local sur Orléans. D'accord. Parce que je sais que là, il y a quand même des gens, je pense aux gens âgés qui sont dans les campagnes. Ouais, qui sont isolés un petit peu. Des fois, la seule personne qu'ils ont, enfin la seule compagnie, souvent c'est le chat ou le chien. Ouais. Et quand il arrive quelque chose en pleine nuit et qu'on n'a pas, ils n'ont pas forcément de voisins pour les emmener, ce qui est pas évident. Mmh. Moi, je suis là pour les aider parce que je m'occupe de l'animal, mais je suis aussi là pour eux. D'accord. Voilà, je suis aussi là pour les rassurer. J'accompagne l'animal chez le vétérinaire, je reste avec lui pendant la consultation. Ouais, voir si tout va bien, hein, pour le ramener. Voilà, et je le ramène à domicile. Voilà, je suis allé le mois dernier à la clinique d'Arcueil en région parisienne. Ouais. Pour une dame qui était inquiète pour une suspicion d'AVC chez son chat. Ah mince. Je suis restée, j'ai passé l'après-midi là-bas, j'ai ramené le chat chez la dame et ça s'est très bien passé. Et c'est vrai que moi qui ai un chien et qui me suis retrouvée sans voiture l'année dernière, je me suis dit, si en pleine nuit il lui arrive quelque chose, je fais quoi? C'est ça, ouais, j'ai c'est plus de voiture. Le vétérinaire, s'il est à 6 km, mon chien de 14 kg sous le bras, c'est pas possible. Pas facile. Alors des belles émotions, elles arrivent aussi parce que c'est récent, mais est-ce que tu as eu des émotions fortes, des trucs qui t'ont fait limite pleurer ou qui t'ont dit ah la vache, ouais, c'est beau un chat, c'est beau un chien, ça fait de la peine. Est-ce que tu as eu des belles aventures là récemment ou une belle aventure? Si j'ai eu des belles aventures. Une belle aventure, ouais, récemment là, c'est quelque temps écoulé déjà. Ah, des belles aventures avec les animaux, j'en ai tout le temps. Bien sûr, ouais, tout le temps. Mais un truc qui t'a marqué, quelque chose qui t'aurait marqué le plus, par exemple. Un animal qui m'aurait marqué le plus. Ouais. J'ai récupéré dans le sud de la France, dans le sud, il n'y a pas longtemps, un lévrier russe. Mmh. un Barzoi que j'ai gardé, que j'ai remonté chez moi, puisque le nouveau maître pouvait pas le prendre le soir même, donc il a passé la nuit à la maison. Alors ça, c'est une chose que je peux faire aussi. D'accord. Voilà. Ça, c'est bien. Si je rentre à 20h et que le maître n'est pas dispo et n'est dispo que le lendemain matin, ben moi je garde le chien avec moi à domicile. Oui, c'est une anecdote. C'est surtout qu'on était parti de chez l'éleveur à 8h du matin. Une demi-heure après être rentré sur l'autoroute, il a fait tous ses besoins dans le box. Ah mince, ah ouais, après l'odeur. Alors ça arrive souvent, hein, c'est pas la première fois, mais là c'était vraiment, j'ai dû m'arrêter et j'ai passé 2 heures sur le bord d'autoroute à nettoyer un lévrier russe blanc. Et tout un box. Après, c'est vrai que ça va avec. Hein, après, ça va avec l'animal, hein, le pauvre aussi, ouais. Ah bah oui. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Mais j'ai toujours des bons moments avec les animaux parce que c'est vrai quand je m'arrête, je les sors. Alors je m'arrête toutes les 2 heures. Ouais, il faut les bouger un peu, ouais, quand même, les pauvres. Voilà, alors quand c'est des chiens adultes, j'ai la laisse, je les promène. Quand c'est des chiots, je les prends dans les bras. Voilà, puis je marche un petit peu, histoire de leur faire prendre l'air. Quand je fais mes pauses repas, c'est pareil. Si je le sors pas, je reste derrière avec eux, dans le camion. Ouais. Voilà, pour les rassurer. Et puis généralement, ils sont assez détendus. Ouais, c'est ce que je voulais te poser comme question. Est-ce que les chiens ou les chats n'ont pas trop peur? Parce qu'il y en a qui ont peur en voiture, hein, des chiens ou des chats, ouais, qui supportent pas du tout la voiture. Est-ce que t'as eu des cas et que c'était facile à gérer? La plupart des chiots que je transporte ne sont jamais montés dans une voiture. Généralement, à part le vomissement parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. En plus, voilà, je m'arrête régulièrement, je le rassure. Ouais. Et puis l'animal, le chiot, il a besoin de ça. Alors, effectivement, je vais peut-être mettre 1 heure de plus, ouais, voilà, pour arriver chez le client, mais je vais le prévenir sur la route. Que voilà, j'arriverai un peu plus tard parce que je vais sortir le chien un peu plus souvent, parce qu'il a besoin de prendre l'air, parce qu'il a besoin d'être rassuré. Parce que quand je fais un trajet de 6 heures, si je laisse le chien 6 heures enfermé dans le box, c'est pas possible. C'est comme si moi, on me mettait dans le coffre d'une voiture pendant 6 heures. En tout cas, Sandra, on a découvert ton beau métier aujourd'hui pour les chiens, les chats, voilà. Donc, je trouve ça super. T'es sur Orléans? Tu habites sur Orléans? Voilà, c'est ça. Alors, moi, j'habite centre-ville d'Orléans, donc d'accord, tous mes départs se font d'Orléans. Et ben voilà. Voilà. Je vais mettre le lien sur mon Facebook, et puis comme ça, les gens qui veulent te contacter, ben voilà, ils font appel, Sandra. Et ben avec plaisir. Et avec plaisir, en tout je cas, serai là. Et ben merci de nous avoir accordé ce petit quart d'heure en direct sur Radio Arc-en-Ciel pour les chiens, les chats, les aider. Voilà, ça peut peut-être vous aider. Merci à toi. Ça peut merci peut-être aider certaines personnes d'Orléans ou des alentours, hein, aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Ah ben oui, je fais partout. Voilà, partout, comme les je chiens. Je vais partout. Voilà, c'est partout, ça. Partout. Merci Sandra de ta bonne humeur. Belle journée à toi. Et merci Jackie. Ouais, moi c'est Francky, pas Jackie. Hein. Jackie c'est mon père. Salut Sandra, belle journée. Moi c'est Francky, pas Jackie. Hein. Ouais. Ah pardon. Moi c'est pas grave. J'avais pas compris. D'accord. Jackie c'est pour et les ben, anciens. Bonne continuation, bonne soirée. Ouais, salut Sandra, belle journée à toi. Salut. Ciao. Elle est sympa la Sandra quand même. Vous avez vu un peu, c'est énorme ce qu'elle fait. En direct sur la France, voici Maître Gims avec Belle. Comme des feuilles, te caresser sans même te toucher, mais

18h25 sur l'arc-en-ciel. All I want for Christmas for you. C'est Maria Carré. Non, ça va avec la ville d'Orléans, tiens. Heureux d'être avec vous. Je vais vous laisser tranquillement avec RDP International. Et puis, de la tendresse avec Marvin Gaye, le petit remix de Radio Arc-en-Ciel, tout en douceur. Là, vous sortez du bureau, peut-être, vous êtes fatigué, éreinté. Eh bien, voici de la sensualité. C'est Marvin Gaye sur Radio Arc-en-Ciel. Ça fait du bien de vous retrouver. Rendez-vous demain, 17h-19h. Plein d'invités, plein de surprises pour vous. Encore avec du son caliente aussi. On aura le Kepasso, on aura Master Jack demain. Je vous laisse avec RDP International, la famille. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale. C'est sur le 96.2 FM. Eh ouais, 96.2 FM. Et puis direction le Haut-Portugal, RDP International. Passez une bonne soirée, les amis.